ça arrive. Elles sont loin les premières contractions. Tout s'est bien passé. Fais tourner le machin de bon gazon. Du son maison, sans sous maison. C'est carré dans les angles. Deux parents séparés, là en Bretagne. L'autre calé dans les Landes. On trace notre route, même quand le poids des mots écrase notre doute. Passer l'âge de la démo, démodé, grave dans le bourg. Encore une fois, les deux confrères assurent un taf propre. Entouré d'un staff pro, MST un passe prod.